On est en 2012, je fais une prière avant que le temps s'arrête. Préfère encore respirer dans un cauchemar qu'être mort dans un rêve. J'ai pris le chemin de la vie pour copilote la routine. Je me suis mangé trop de murs, pourtant j'avais pas pris la route ivre. Je suis sûr que mon cœur lâchera ses sur avant le point d'impact. J'ai vu des potes vouloir côtoyer les anges avec moins d'impact. J'ai plus besoin d'être assuré pendant que le doute me noie. Le passé meurt donc chaque souvenir se réincarne en trou de mémoire. J'ai toujours été sage mais pour ça j'aurai pas de médaille. Y'en a foutre de ta vie alors s'il te plaît t'occupe pas de mes Nike. De l'enfer le paradis c'est à plus de 2 heures de marche. Ça de doigts que j'extériorise ma peine comme un tueur de masse. Je finirai peut-être ma vie tout seul comme un con sans rêve. Trop de cicatrices dans le dos pourtant je continue de croire que la confiance règne. J'aurai peut-être le sourire quand je sortirai plus de 10. Espoir penser savoir voler avant de sauter du building. À bout de souffle, la vie c'est as frère. On n'a pas de carré blast jusqu'au bout comme Fred Astaire. Gratte sec sec, même si dans le rap y'a pas de fraîche affaire. On se lève tous les matins avec la motive d'un vrai salaire. À bout de souffle, la vie c'est as frère. On n'a pas de carré blast, on bluffe jusqu'au bout comme Fred Astaire. Gratte sec sec, même si dans le rap y'a pas de fraîche affaire. On se lève tous les matins avec la motive d'un vrai salaire. J'suis à bout de souffle. En plus pourquoi on s'engueule? Parce qu'on a plus de sous à croire que les gens s'en veulent. Ça monte partout. Je viens noir sur ma feuille. À croire que je viens fou et non, j'ai pas d'Apple. Mais les banquiers m'appellent. J'ai plus de sous, faut que j'apporte. Sinon, c'est la clé sous la porte. L'État veut ma peau, j'suis taxé à mort. 25 ans, j'suis qu'un mot, mais pour vous, j'suis un homme. Alors j'vais chercher les mots. Vous voulez pas si j'mors? À deux doigts de faire de la tôle, moi j'veux brasser de l'or. Ma puce d'enceinte, mais j'plus grave quand tu dors. Tu me dis, t'as besoin de rien, mais moi j'kiffe le confort. Je sais ce qu'on fait, je sais pas si j'ai tort. Pour le moment, ça rapporte et c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est comme ça qu'on s'en sort. C'est comme ça qu'on s'en sort. À bout de souffle, la vie c'est as frère. On n'a pas de carré blast jusqu'au bout comme Fred Astaire. Gratte sec sec, même si dans le rap y'a pas de fraîche affaire. On sèche tous les matins avec la motive d'un vrai salaire. À bout de souffle, la vie c'est as frère. On n'a pas de carré blast, on bluffe jusqu'au bout comme Fred Astaire. Gratte sec sec, même si dans le rap y'a pas de fraîche affaire. On sèche tous les matins avec la motive d'un vrai salaire.